accusé, levez-vous. Je me lève doucement, seul au milieu de tous ces gens qui plus que moi sont impatients de savoir si ma vie est en jeu ou bien si alors je vais connaître un autre sort si on m'oblige à vivre encore. Accusé, levez-vous. Je me lève doucement, seul au milieu de tous ces gens qui plus que moi sont impatients. Ces étrangers vêtus de noir. Ces étrangers.